c'est une air des Bahamas, une chanson qu'on chante quand on est enfant. Et après, quand on est adulte, ça veut dire autre chose, mais en tous les cas, voilà. Went down the road one morning, went down to see Aunt Jamie. A pretty boy was waiting there for me. He said to me, "Well, baby, want you for company." I said to him, "Well, maybe, if you will marry me." Pretty boy, oh, pretty boy, oh, pretty boy. What is your name? Pretty boy. Oh, pretty boy. Oh, pretty boy. Please tell me your name. Alors, c'est quand j'étais aux États-Unis que j'ai découvert ma peau, que j'avais une peau et que cette peau était posait des problèmes pour les gens dans les États-Unis et même entraînait des conditions de vie que j'allais découvrir moi parce que, en fin de compte, j'ai grandi très isolée des problèmes de racisme. Personne autour de moi m'a dit. Que le fait d'être noir pouvait être source d'ennui, de malheur ou de choses comme ça. Donc j'ai grandi avec une peau saine et je n'avais donc pas ces réflexes innés de réaction à l'autre en face en pensant immédiatement si je voyais quelqu'un se comportait bizarrement, que c'était parce que j'étais noire et que eux ils n'étaient pas. Donc tout ça, je vais découvrir et je vais être bouleversée. Ça va m'amener à réfléchir aussi pas mal. Et même à féliciter ces noires américaines pour le courage et tout cette chance et toute cette âme qu'ils ont donné à ce pays. Oui, voilà, je m'appelle Calvin Yog, je suis à Paris pour une résidence de 3 mois. Je fais des percussions, batterie et voix généralement. Et maintenant, j'ai un groupe qui est avec moi. J'ai enfin des musiciens avec qui je me sens en harmonie et en phase. C'était vraiment pas évident. Je pense que je suis une artiste tellement instinctive et qui est un peu entre deux mondes, le monde des années 30-40 sûrement, et puis le monde d'aujourd'hui. Et là, je me trouve avec des musiciens qui, pas seulement veulent me comprendre, mais sont capables de m'accompagner. Et donc, je vais mi-juillet, 15, 16, 17 juillet, je serai à Montpellier pour le Festival Radio France. Et après le 30 juillet, on sera en Angleterre, Festival WOMAD. Et en octobre, ça sera le Rhino Jazz Festival. Voilà. Donc voici mon premier album qui s'appelle Diana Hamilton, A Bohemian in Paris. Je l'appelais A Bohemian in Paris parce que c'était très important pour moi de rappeler mes origines des Bahamas et mon expérience de vie ici à Paris où j'ai commencé à chanter pour la première fois. Dans cet album, je ne voulais pas que ça soit une histoire personnelle. Je ne voulais pas non plus être figée dans une musique particulière, le blues ou le jazz. Je voulais rendre hommage à mes ancêtres pour tous ces chants qu'ils ont donnés au moment où ils étaient esclaves, où ils chantaient pour pas mourir. Et puis je me suis rendu compte que dans toute cette zone où il y avait ces esclaves qui ont été mis ici et là, tout le monde chantait pour la même raison. Et donc cet album est une mélange, est une mixte de tous ces chants qui touchent un peu à la Jamaïque, un peu à la Nouvelle-Orléans, aux Bahamas, et qui englobent un peu cette musique qu'on appelle aujourd'hui le blues ou le jazz ou le rock and roll ou le hip-hop. Et moi, je dis que toutes ces musiques avaient qu'une seule origine. C'est-à-dire que ça partait de l'âme de ce peuple. Alors, des projets tournent autour de la distribution. Je souhaite avoir un distributeur qui prend l'album parce qu'il le croit, ce qu'elle représente, et qui m'aidera à la faire connaître. Le projet de bien souder le groupe pour que sur scène, le spectacle soit un moment de découverte et de joie. Et puis, évidemment, le désir de faire un deuxième album où ça sera plus moi qui chante et qui parle avec des choses qui me tiennent à cœur, moi. Voilà. Pour moi, dans le chant, dont j'ai du mal à exprimer à quel point elle me touche, mais elle me touche parce que c'était des femmes noires, talentueuses, généreuses, intelligentes, courageuses, avec visionnaire et universel aussi. Donc il y a Billie Holiday, il y a Nina Simone, il y a Josephine Baker et il y a Jesse Norman. Et pour moi, chaque fois, c'est comme si ces quatre femmes, pour moi, sont vraiment la femme dans tout ce qu'elles ont de merveilleux, malgré les blessures de la vie ou les déceptions affectives. Elles sont fidèles à l'art, à la vie, à l'amour pour les siennes et à l'amour pour ce qu'elles représentent, elles. J'ai perdu tant d'années, mes printemps, mes étés. Perdu tant d'années, mes hivers, mes automnes. Perdu tant d'années à questionner les hommes. Est-ce ma faute à moi si on m'a dit 100 fois de rechercher l'amour, les honneurs, les toujours, le plaisir et l'argent et de passer le temps en cherchant, en voulant? J'ai perdu tant d'années à penser, à chercher, perdu tant d'années à fouiller tous les livres. Perdu tant d'années à quémander un art de vivre. Savoir tout leur malheur et la tristesse des leurs. Et j'ai perdu ces années.